Chapitre 22. La fin d'un cauchemar. Au petit jour, Tokra, qui sommeillait étendu sur un divan, avait été respectueusement mais brusquement éveillé par son secrétaire Ravana qui descendait de la terrasse. Il avait vu, sous les premières lueurs diffuses du jour naissant, les plaines qui entouraient le domaine s'animer de petits points bleus que des appels de clairons faisaient mouvoir. Du côté de la mer, à l'horizon, il vit, à l'aide d'une des longues-vues installées sur pivot fixe, les masses sombres des grands cuirassiers, immobiles, et la surface polie de la mer où dansaient les joyeux rayons du matin, ridés, rayés par les sillages des vedettes et des bâtiments légers, évoluant autour des forteresses d'acier. Alors Ravana avait couru prévenir son maître. Tokra Dazipal fut d'abord incrédule. Il voulut vérifier par lui-même les dires de son secrétaire et monta sur la terrasse. Son regard froid se promena sur tout l'horizon. La vue des troupes, disposées dans les plaines par petits paquets, des cuirassiers, ne lui laissa plus aucun doute. Le château était investi. Cependant, il espérait encore. La fuite de Mademoiselle Laurière lui avait fait pressentir le danger, mais il ne le croyait pas aussi proche. Il n'en avait pas moins arrêté, dans son esprit, l'ensemble des mesures qu'il comptait prendre. Se retournant, une flamme dans le regard, il donna des ordres d'une voix brève que la rage faisait trembler, et son œil ressembla à celui d'un fauve acculé au combat. « Ravana, retient ceci. Que l'on prépare mon appareil. Je partirai dans une heure. Rien ne presse. Les unités d'escadrille partiront de 5 minutes en 5 minutes. L'ensemble des appareils se divisera en 2 groupes. L'un opérera au-dessus de la terre. Que ces troupes damnées soient anéanties. L'autre groupe fera sauter la flotte qui, là-bas, se croit peut-être invulnérable. Ceci terminé, les hélicoptères gagneront la première étape. Avec ce qui nous restera de cristallopyre, nous serons encore capables de dicter nos volontés. Le dernier partant, toi, en toi seul j'ai confiance, tu mettras le feu au laboratoire. Dans 3 jours, Ravana, nous serons aux Indes, à la tête de l'insurrection. Ravana, galvanisé par ces paroles, descendit. Tokra Dazipal resta plongé dans ses réflexions, debout sur la terrasse. Sa silhouette se coupait sur le ciel. Il était visible de tous les points de l'horizon. À ce moment, sur la droite des bâtiments du château, du côté de la mer, il y eut une très violente explosion, un nuage épais de poussière s'éleva et les réservoirs de ciment s'effondrèrent. C'était le résultat de l'expédition nocturne d'Escander et de Verdot. Tokra n'avait pas bougé. Cet homme semblait de bronze. Ravana, arrivant par un petit escalier qui desservait la terrasse, apparut, pâle, les traits convulsés par une atroce angoisse. « Maître, ô maître ! Les ascenseurs ne fonctionnent plus. Il est impossible d'amener les hélicoptères jusqu'ici. »« Que dis-tu ?» Par un retour aux coutumes ancestrales, il porta la main à sa ceinture, cherchant une arme pour punir le messager porteur de mauvaises nouvelles, mais il se ressaisit vite. D'un geste, il entraîna son secrétaire à sa suite. Dans les souterrains, les 250 aviateurs attendaient près de leur appareil. Devant le maître, on essaya de nouveau de faire fonctionner les pompes, mais vainement. Il n'existait pas d'autre issue pour libérer même un hélicoptère. C'était une faute, une maladresse dont allait mourir la terrible association. La faute en incombait à Tokra Dazipal, qui, afin de masquer la véritable destination du château, n'avait toléré aucune grande ouverture. Pour amener à l'heure actuelle un appareil dans les conditions nécessaires à son départ, il aurait fallu en démonter les surfaces portantes, et c'était là une besogne longue pour laquelle le temps manquait. Au moment même où le Raja faisait cette constatation, un coup de gong retentit à l'extérieur. Tokra et Ravana remontèrent. À 6 heures, le général avait appelé l'officier, un capitaine, chargé de faire les sommations, et lui avait donné ses instructions. Cet officier, peu d'instants après, était monté à cheval, accompagné d'Escander également monté. Les 2 hommes étaient précédés d'une trompette portant un fanion blanc à sa lance. Nous copions ici les notes prises par Escander. Mieux que n'importe quel récit, elles permettent de se représenter ce que furent ces heures dramatiques. Il est 7h10 quand nous montons à cheval. Les explosifs que nous avons posés cette nuit avec Verdot ont joué admirablement leur rôle. Tokra n'a plus aucune chance de pouvoir fuir. Le château semble absolument désert. Allons-nous à la mort ou à la victoire? Il est difficile de le dire. Pour moi, cette tranquillité est trop apparente. Tout à l'heure, un homme est monté sur la terrasse et a longuement observé ce qui se passait aux alentours. Donc, au château, il connaissait notre présence. Nous nous sommes arrêtés une première fois, 10 pas de la porte. Rien ne bouge. Cependant, j'en suis certain, nous sommes épiés. Le planton reste derrière nous et nous avançons jusqu'à toucher la porte. Sur un signe du capitaine, le chevalier lance un bref appel de trompette, puis l'officier, heurtant la porte du pommeau de son sabre, s'écrie d'une voix forte « Au nom de la France, ouvrez !» À ma grande stupéfaction, la porte tourne lentement sur elle-même et un homme apparaît dans l'encadrement. C'est le secrétaire intime, je l'ai reconnu. Sans saluer, il demande « Que voulez-vous ? » « Voir votre maître, le Raja Tokra Dasipal, » dit l'officier. « Venez. » L'officier n'a pas une minute d'hésitation. Il saute de cheval, moi aussi, et nous voici en route vers l'inconnu. Nous suivons d'interminables couloirs et nous arrivons devant les 3 portes du premier étage. Je les reconnais, mais nous sommes venus par un autre chemin que celui que j'ai suivi lors de ma visite nocturne. Le secrétaire ouvre une porte, celle de la bibliothèque. Tokra Dasipal est là, assis sur une sorte de cathèdre en face de la porte. Il est vêtu de ses plus somptueux vêtements, littéralement ruisselant de bijoux. Sa main gauche est appuyée sur le pommeau de son sabre. À son turban brille un diamant énorme. Derrière lui, 2 serviteurs se tiennent debout. Le Raja, dont le regard noir est fixé sur notre groupe, est d'une pâleur cendrée qu'accuse encore ce regard et la noirceur de la barbe et des sourcils. L'officier s'arrête à 2 pas, rectifie la position et porte la main à son casque. Je suis tête nue, mon chapeau à la main, je dois faire une étrange figure. « Au nom de la République française, » dit l'officier d'une voix lente et grave, « le Raja Tokra Dasipal est sommé de se rendre sans condition. » Tokra inclina légèrement la tête. « Si je refuse, » dit-il, « le château du Hoc, en ce moment sous le feu de nos nombreux canons, sera détruit de fond en comble avec tout ce qu'il contient. Le feu sera ouvert à la moindre tentative de résistance. » Tokra eut un étrange sourire. « Dans 1 heure, monsieur, votre chef aura ma réponse. Affirmez-lui que, durant ce délai que j'exige, rien ne sera tenté contre lui et les siens. Allez !» D'un geste lent, très noble, il nous congédia. Le capitaine salua de nouveau, et nous quittâmes ces 4 hommes, dont pas un n'avait bronché. Le général, quand il fut informé du résultat de la mission, consentit, bien qu'à regret, à accorder le délai demandé. Cependant, il fit avancer les troupes jusqu'à environ 500 mètres du château. Il est exactement 8 heures, je ne quitte pas le château du bout de mes jumelles. Je dicte, Verdo écrit. Depuis 1 quart d'heure, nous remarquons un assez vif mouvement sur la terrasse. De nombreux serviteurs apportent, déroulent et étendent une sorte de chose roulée, des tapis peut-être, mais une fois qu'ils les ont étalés, ils enlèvent une autre étoffe, une doublure peut-être. Nous n'y comprenons rien. 8h25. Le travail continue, les hommes déploient une activité fébrile. Prépareraient-ils leur délivrance? C'est impossible, nous ne sommes plus au temps des 1001 nuits, et les tapis enchantés ne transportent plus personne par la voie des airs. Le soleil, déjà haut, commence à chauffer. Les hommes ont achevé de dérouler les tapis, ils apportent des livres, des liasses, puis enfin une cathèdre, celle sur laquelle était assis Tokra Dasipal quand il nous a reçus. 8h45. Encore 1 quart d'heure et tout sera terminé. Enfin, voici Tokra, toujours aussi fastueusement vêtu et suivi de son secrétaire intime. Tous 2 marchent rapidement, comme si le sol leur brûlait les pieds. Tokra est assis maintenant, son secrétaire derrière lui. Cet homme est un misérable, mais un misérable de grande envergure. Il doit nous préparer une surprise. Son ambition tendait à conquérir la maîtrise du monde, à dicter ses volontés d'un pôle à l'autre. Aucun des moyens d'y parvenir ne l'a fait reculer. Il a suffi de quelques poteaux de ciment brisés à l'heure où il fallait qu'ils le fussent pour l'abattre, lui et son rêve. 8h54. Derrière Tokra Dasipal et son secrétaire sont venus se ranger tous les serviteurs du château, tous ceux qui étaient employés à des besognes qui nous sont encore mystérieuses. Il s'agenouille sur deux rangs. Ce spectacle, auquel nul ne comprend encore rien, a un réel caractère de grandeur. On remarque depuis 10 minutes un étrange phénomène. Au-dessus de la terrasse, l'atmosphère semble changer de couleur et de densité. Elle est plus fluide, plus légère, plus transparente. Cela fait naître aussi une assez forte brise, tantôt très chaude, tantôt fraîche, qui semble tourner autour de nous. Je crois avoir compris. Le phénomène s'accentue encore. Le général s'impatiente, il précipite ses ordres, lui aussi s'inquiète. Je crois qu'il n'attendra pas la fin du délai, bien que celui-ci expire dans quelques minutes. Une courte flamme vient d'apparaître à l'un des coins de la terrasse. Un chant lointain, étrange, éclate, lent, plein de majesté. Ce sont les hommes agenouillés qui se mettent à psalmodier un hymne ou une prière. Cela est aussi infiniment triste et profondément émouvant. Tout cela est horriblement long, angoissant, terrible, comme les minutes que l'on passe devant la porte fermée d'une prison, au seuil de laquelle la guillotine est dressée. L'armée, l'arme à terre, les artilleurs à leurs pièces sont là, immobiles, silencieux. Seul le chant funèbre domine, il vient à nous, il emplit le ciel et la terre. C'est grandiose. 9h02. Tout à coup, victorieusement, comme ayant été trop longtemps contenu, les flammes s'élancent d'un seul coup. Derrière leurs rideaux mouvants, on ne voit plus rien. On entend encore les chants, puis ils s'affaiblissent et se taisent. Le général furieux commande aux troupes d'avancer encore. « Que veut-il donc ?»« Prendre Tokra, je l'en défie. » Comme Sardanapal, le Raja meurt avec ses richesses et son secret. 9h20. Le brasier est gigantesque. Les troupes ne peuvent s'en approcher. Des explosions ont lieu. C'est fini. Les Rajis sera convaincu. Malgré les larmes que ces hommes ont fait répandre, malgré les deuils et les ruines qu'ils ont semées pour nourrir leurs rêves, si j'avais été le général commandant les troupes, j'aurais fait porter les armes et les clairons eussent sonné au champ.